Ici nous allons aborder les obstacles courants qui peuvent entraver la montée en vibration et voir comment les surmonter avec succès. Les croyances limitantes. Identifiez les croyances négatives ou limitantes qui peuvent vous empêcher de progresser dans votre pratique. Remplacez-les par des affirmations positives et puissantes qui renforcent votre confiance en vous et votre capacité à élever votre vibration. Les émotions refoulées. Les émotions refoulées peuvent agir comme des blocages énergétiques. Apprenez à reconnaître et à libérer ces émotions en pratiquant l'acceptation et le lâcher-prise. La méditation et les techniques de libération émotionnelle peuvent être utiles dans ce processus. Les influences négatives. Faites attention à votre environnement et aux personnes qui vous entourent. Évitez les influences négatives et toxiques qui peuvent vous tirer vers le bas. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui soutiennent votre cheminement spirituel. Le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété peuvent affecter votre vibration énergétique. Pratiquez des techniques de gestion du stress telles que la respiration profonde, la méditation et le yoga pour vous détendre et vous recentrer. Le manque de pratique régulière. La montée en vibration nécessite une pratique régulière. Établissez une routine quotidienne ou hebdomadaire qui intègre les méthodes de cette pratique. Soyez persévérant et patient, les résultats viendront avec la constance. La résistance au changement. Le changement peut être effrayant, et votre ego peut résister à la montée en vibration, car cela remet en question les schémas de pensée habituels. Soyez ouvert au changement et accueillez-le comme une opportunité de croissance spirituelle. Les doutes et les peurs. Les doutes et les peurs peuvent semer le doute dans votre esprit et vous empêcher d'avancer. Pratiquez la confiance en vous et la foi en votre cheminement spirituel. Visualisez votre réussite et focalisez-vous sur les résultats positifs que vous souhaitez atteindre. Les distractions. Évitez les distractions qui détournent votre attention de votre pratique spirituelle. Accordez-vous du temps pour vous concentrer sur votre montée en vibration et établissez des limites claires pour protéger cet espace sacré. En surmontant ces obstacles, vous renforcerez votre pratique de la montée en vibration et vous ouvrirez la voie vers une connexion plus profonde avec votre soi intérieur. Restez persévérant et engagé envers cette transformation spirituelle, car les bénéfices qui en découlent sont inestimables pour votre bien-être et votre épanouissement personnel. Page 6, section 6, nous allons voir comment intégrer la montée en vibration dans la vie quotidienne. Page 6, section 6.